Donc, dans la catégorie « Je recycle mes vieux appareils électriques à la déchetterie », les gagnants sont Jean-Pascal de Fort-de-France dans l'écran de la mer, Vivien de Nantes dans 4 lave-linges et un enterrement, et Amina de Bastia dont la clim était presque parfaite. Alors Jean-Pascal, vos premières impressions? Ah, c'est dingue, je m'y attendais pas. Oh, surtout que j'avais une vraie flemme ce jour-là. Mais bon, je suis quand même allé à la déchetterie, avec ma vieille télé dans le coffre. Eh oui, rapporter un appareil électrique usagé à la déchetterie, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que ses composants soient recyclés à plus de 80%. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Paysans, les 4 saisons, une rediffusion d'une série de Julie Navarre réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a l'envie que l'on a parfois, quand on habite en ville, de vivre au grand air. Il y a aussi de la curiosité pour ce qui est un mode de vie plus qu'un métier et qui reste encore calqué sur le rythme des saisons. Et puis il y a l'idée de comprendre comment on hérite ou comment on refuse d'hériter de gestes, de terres, de murs et de la condition de ses parents. Alors pour commencer, les personnages. Un éleveur bio, une famille qui élève et qui abat, des éleveurs qui s'attachent aux bêtes, des céréaliers qui ont vu leur père emporté par des cancers et des maraîchers harassés qui veulent réduire engrais et pesticides. Ensuite, le décor. Des étables, des treilleuses, du fumier, des serres, des rouges-gorges, des entreprises qui doivent rapporter, des cochons qui réclament, des vaches normandes, des agneaux, des chiens de berger, des matins d'automne et parfois quelques suicides. Aujourd'hui, 3e épisode, il est tôt et il faut s'occuper des vaches. On y va. Paysans, les 4 saisons. 6 heures. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. Il faut soulever ma croquette. Agriculteur d'aujourd'hui. Le temps du labeur. On va toujours accuser d'anthropomorphisme, mais non, c'est comme des enfants. Hein. C'est un dévouement. Hein. Allez les filles, tempête. Et là, c'est quelle race de vache? Que des Normandes. On est en Normandie. C'est pas la vache la plus productrice de lait, c'est certain. Mais en termes de fromagère, c'est la meilleure fromagère. Olivier Potel. La qualité du lait de la Normande est réputée. D'ailleurs, crème de Normandie, les gens, pour la publicité, même si elle est faite avec des vaches de race frisonne, Primolstein, les gens disent, ah oui, c'est du lait de vache normande qui pâture dans les vertes prairies. C'est du marketing. Je le dis toujours, si vous voulez du lait riche, oméga 3, oméga 6, avec des bonnes capas caséines pour la digestion, il faut acheter du lait bio. Parce que le lait bio, c'est un lait d'herbe. Au sortir de la guerre, il a fallu nourrir la population française. Alors on a intensifié. Dans les années 70, on s'est mis à cultiver du maïs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus économique de traire des vaches et de les nourrir à l'ensilage de maïs. Alors aujourd'hui, notre lait, il est payé le prix que mes parents touchaient il y a 31 ans. 28 centimes le litre. Si on remet la qualité au bout, parce qu'on est payé pour la qualité et les taux, donc la richesse du lait, chez nous, on touche 32 centimes aujourd'hui. Et notre lait coûte 34 centimes à produire. On travaille pour perdre de l'argent aujourd'hui. Mais tous les laitiers de France, sauf les producteurs qui sont sur la zone Comté, l'AOC Comté, c'est le lait le mieux payé de France, ils ont fait un choix il y a très longtemps de produire du lait avec du foin, que de l'herbe, payé autour de 50-54 centimes le litre. Voilà, c'est eux les grands gagnants et les bio aujourd'hui. Enfin, un litre de lait bio est payé 45 centimes. Si on met la qualité au bout, on est autour de 50 centimes. Et avec des charges moindres parce que pas d'achat d'aliments externes. Donc les résultats économiques des producteurs bio sont bons. Donc là, tout autour de la ferme, c'est les terres du Bas-Probert. Ce qui finalement, j'ai recréé le lieu parce que c'était abandonné. Je pense qu'il y avait deux familles qui vivaient là. Puisque là, il y avait une cheminée que j'ai retrouvée dans la grange, là, que j'ai refait. Voilà, donc autour, bah, c'est vraiment le vallon avec les haies. Il n'y a que des prairies autour de la ferme. J'ai 70 hectares de prairies. Le reste, c'est des céréales. La plupart de mes céréales, c'est pour donner à manger aux bêtes. Et puis, je fais un peu de blé pour faire la farine bio du Perche. On a créé une filiale farine bio du Perche. Ouais, l'idée, c'est juste d'être autonome. Tout simplement parce que les brebis, tu leur demandes quand même de faire du lait pendant 8 mois. Donc, si tu les aides pas avec un peu d'orge, un peu de févrole, elles diminueraient vite en lait. Et puis les bœufs, en finition, l'hiver, je leur mets un petit peu de grain aussi, pour avoir une viande persillée. Excusez-moi. Ça, c'était la maison dans laquelle tu es. À l'époque, tous les copains, on était des jeunes couples, il n'y avait pas de môme, donc pour faire une mission travaux, il n'y avait pas de souci. On se faisait des week-ends tuiles, des week-ends bardage, des week-ends... Quand tu as trouvé la maison, tu cherchais déjà un lieu où t'installer. Ouais, il y avait un projet d'installation en brebis. Brebis, pourquoi ? Parce que mes parents dans les Pyrénées en faisaient. Et puis parce que c'est vrai que dans le coin, il n'y en avait pas. C'est un animal qu'on pense à la base assez accessible. Et c'est vrai qu'au début, avec trois palettes et des bouts de ficelle, tu commences. Alors, donc je m'appelle Sylvain. Là, on est à Saint-Jean-de-la-Forêt. Donc j'ai 34 ans, j'ai deux filles. Et j'ai une compagne qui s'appelle Rose. Qui ne travaille pas du tout sur la ferme, qui est juriste. En 2002, je suis venu et il y avait des vaches dans la maison. Et j'ai su que c'était à vendre 5 ans après. Et puis j'ai pu faire préempter par la SAFER. Puis après, c'était parti, quoi. Tu rencontres 6-7 banques, dont 5 qui te disent non parce qu'ils te voient arriver. À l'époque, deux gars avec les cheveux longs, en brebis laitière dans le Perche, ça fait marrer. Et puis finalement, il y a une banque qui nous a suivis, donc on y allait, quoi. Tout était minimaliste au début. Là, aujourd'hui, c'est un truc un peu plus performant. Donc on était deux associés, c'était 42 hectares juste. Et aujourd'hui, là, je suis en cours de... Donc on s'est séparé avec mon premier associé. Là, il y a une deuxième installation en cours. Et puis aujourd'hui, bah, il y a 110 hectares. Parce que le troupeau de brebis a doublé, tout simplement. On est passé de 80 à 160 brebis. Et parce qu'il y avait 4 vaches, aujourd'hui, il y en a 30. Donc ils donnent des veaux et des bœufs. Hein. Les vaches, c'est pas pour le lait. Et voilà. Alors c'est pas dans l'objectif d'avoir une énorme ferme, c'est juste d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir embaucher. Donc ça te permet une flexibilité dans ton travail. Alors là, vous tombez mal parce que c'est la semaine où il y a ni les apprentis, ni Seb qui est en formation, ni ma salariée puisque on a plus de fromage là en ce moment. Mais on sort 3 salaires et demi. Le balai des palettes. Le balai des palettes. Et là, vous êtes debout depuis quelle heure? Moi, 4h15. Vous arrivez à quelle heure, 3h? 3h. Pour charger le camion? Oui. Quand on est sur le marché, on n'imagine pas la tendance. Pas du tout. Ça représente la logistique. Même l'installation du banc le matin. 6h moins le quart, on met 2h à peu près pour s'installer. Ça paraît pas, les gens, ils arrivent sur le marché, ils pensent que tout de suite, c'est magique. Ça existe pas encore. Voilà. Non. Par semaine, on fait 7 marchés. Et on en fait 2 le samedi. Marie commence le mardi et termine le dimanche. Lundi, on prépare. Je m'appelle Patricia, j'ai 52 ans et je suis maraîchère dans la Sarthe. Je m'appelle Thierry, je suis installé depuis 1988 et j'ai 50 ans. Vous êtes considéré dans la profession comme ceux qui travaillent le plus? Il faut travailler beaucoup manuellement, hein, beaucoup plus que le métier d'agriculteur. Ça reste encore manuel, surtout dans le domaine du détail. Parce qu'en maraîcher, vous avez ceux qui vendent en grande surface ou à Paris, à Rungis, et vous avez tous les maraîchers comme nous qui font que du détail. Que du détail. C'est en termes de taille... De dimensions, c'est des petites exploitations par rapport à eux. Et donc là, on est sur une exploitation maraîchère de quelle taille? 8 hectares à peu près. Et vous faites tous légumes? Suivant les saisons. Oui. Sous serre, froide et en plein champ. Et vous avez des vaches aussi? Oui. C'est pour monsieur ça. Ça fait 50 en tout la ferme. Alors ça c'est pour occuper les prairies, puis pour avoir du fumier de bovin pour remettre dans les terres de maraîchage. Pour que ça ne me coûte pas trop cher en fumure et que ça soit plus sain. Doucement, on saute pas. On va sortir les brebis? Là, j'ai installé des panneaux solaires il y a au mois de juin là. Ça me tenait à cœur, comme la fromagerie était plein sud. Je me dis que si tout le monde fait un peu de solaire sur les bâtiments agricoles, ça pourrait être pas mal. J'ai fait un studio pour les stagiaires et puis ça sert aussi de local pour les salariés pour qu'ils mangent le midi. Il y a un frigo, cuisinière. Et donc là, le premier bâtiment qu'on a fait, c'est la bergerie avec la fromagerie. Donc là, on va sortir les brebis que je vais appeler. Donc voilà, les deux patous. Donc là, ça va faire le bruit d'un mouton. Tu vas voir, c'est incroyable. Allez, venez les bébés. Viens, mes filles, viens. Donc nous, on marche devant. Parce que comme j'ai des chiens de travail, c'est le chien le méchant et l'humain le gentil. Donc le chien te ramène le gibier pour lui, mais qui est autre que mes brebis. Voilà. Donc on le sort, là, je suis bien battu. Là, oui. Frida, stop. Dès que je peux sortir les brebis, je les sors. Là, il pleut pas, ce qui est un miracle dans le Perche. Tu recules, regarde derrière. Va chercher. Regarde derrière. Voilà. Les jeunes chiens, ça veut toujours y aller. Puis... Voilà. Voilà, je lui ai demandé d'aller vérifier, il n'y a personne. Tu te couches là. Donc les traits que tu vois sur les brebis, ça sert à... En fin de lactation, dès qu'elles ont moins de lait, on fait un trait bleu. Vraiment plus de lait, on fait deux traits. Et trois traits, ça veut dire qu'on peut les enlever. C'est dans le but de les tarir naturellement, sans mettre d'antibio. Voilà. Elles réduisent d'elles-mêmes leur lactation. Donc on... Au bout d'un moment, on les traite tous les deux jours, puis tous les trois jours, puis après, on les traite plus. C'est fini, Frida. Frida, tu sors tout de suite, c'est fini, je viens de dire. Dehors. C'est les 23 ans qu'on fait ça. Sans arrêt. Bon, on a une petite coupure, je dirais de fin novembre à fin décembre. Et puis dès qu'arrive de fin décembre, bah, ça y est, il faut déjà repartir avec les premières plantations de salade, les premiers semis de radis. Et oui. 3 jours l'hiver, 3 jours en février, c'est les seules vacances qu'on prend. C'est vrai que bah pour trouver une femme qui fasse ce métier-là, il y en a de moins en moins. Si les nouvelles, il y a des nouvelles qui s'installent plus en bio. Ils produisent un peu moins quand même. Ils produisent moins. Ils sont... C'est peut-être pas pour ça qu'ils sont pas pris dans l'enchaînement comme nous. Hein. Si. J'ai discuté avec un couple, moi, et c'est un peu pareil que nous. Hein. Ah, oui. Ça commence, ils veulent faire de plus en plus. Mais bah, ils développent parce qu'il y a la demande et puis ils vont se faire prendre dans l'engrenage. Et puis après, pour reculer, ça va être moins facile. Ça fera comme nous. Nous, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a la fiscalité, on vous dit d'emprunter, vous allez pour une certaine durée. Tout est bien... ficelés de là-haut comme nous sur le terrain. Ils savent nous tenir, ils savent nous faire progresser, mais ils savent pas nous faire ralentir. Ouais. Je suis le dernier éleveur laitier du village. Il y a 40 ans, il y avait encore une dizaine d'éleveurs. Tous les autres ont disparu ou il en reste deux qui se sont beaucoup agrandis. Ils sont encore plus esclaves que nous au travail. Ce sont des travailleurs de force. Que je n'en vis pas leur vie. Mon voisin le plus proche, à l'aube de la retraite, il a été emporté par une tumeur au cerveau. En agriculture, on ne cherche pas trop d'où ça vient, les cancers. C'est un peu normal, l'usage des phytosanitaires. Quand le consommateur en prend des toutes petites particules, des nanogrammes, nous, on en prend plein la tête. Je pense que les générations qui arrivent vont changer la donne. J'aime pas trop Internet, mais on voit que les gens s'informent. Dans des réunions, je vois des stagiaires qui viennent avec des agriculteurs qui disent « Moi, si je m'installe, ben, je m'installerai en bio parce que je veux pas finir comme mon père ou mon grand-père, malade à 60 ans ou même plus jeune. » Ils ne meurent pas de vieillesse comme il y a longtemps où les gens s'endormaient le soir et se réveillaient pas le matin. Ça n'existe plus. Hein. Nos vaches vont passer en bio le 1er mai 2017 et le 1er novembre 2017, on livrera notre lait bio. Enfin. Bientôt la quille. Trois dernières. Bon, oui. Chez nous, c'est élevé docile. Hein. Mais celle-là, elle est particulièrement... Elle m'a envoyé un coup de sabot dans le foie. Je me suis réveillé 2-3 minutes plus tard. Comme à la boxe. Annabelle Potel. Bon, il y a des paysans qu'on ne fera jamais changer, qui veulent toujours intensifier, qui s'en moquent. Mais je pense que... On voit que les consommateurs veulent consommer mieux et certains paysans veulent aussi donner des produits de meilleure qualité aux consommateurs. Donc j'espère que ça va évoluer un peu plus dans ce sens-là. Quand on a un père qui est mort du cancer, on se dit il faut peut-être évoluer. Même si j'étais un petit consommateur, je Je n'ai jamais utilisé d'insecticide, parce que pour moi, c'est le produit à bannir en priorité. Et puis, je traitais les cultures parce que le système, on nous a vendu un système comme ça, productiviste, où il faut désherber, il faut que ce soit propre, il faut faire du rendement. Et puis, on se rend compte à la fin que quand on fait le calcul de la marge nette, eh ben, c'est pas nous qui avons gagné beaucoup d'argent, c'est celui qui vous a vendu les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, et qui vous a acheté votre récolte. Et du coup, il fait encore une marge en plus sur la production qu'il vous a achetée. L'agriculteur n'utilise toujours que des produits qu'on lui met dans les mains. On a l'impression que les politiques ne pourraient pas faire tourner la France sans les rentrées de TVA ou de taxes liées à ces volumes de produits phytosanitaires qui sont vendus. Il y a un problème économique derrière, mais la santé publique, je pense que devrait passer avant les problèmes comme ça d'économie. C'est les pierres. C'est le rouge-gorge qui est pas loin. C'est un rouge-gorge. Les seuls oiseaux que j'aime pas trop, c'est les étourneaux sans sonner. C'est des nuits de 300, ils mangent tout le grain, tout l'amidon. Alors moi, c'est Olivier Potel, j'ai 42 ans. Je suis installé en Seine-Maritime, sur une petite exploitation de 66 hectares avec une quarantaine de vaches normandes. Aujourd'hui, on est en conversion agriculture biologique parce que, voilà quoi, un choix de changement de vie. Je m'appelle Annabelle, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, je suis agricultrice avec mon mari sur la commune de Saint-Honoré. Déjà, on aime beaucoup la nature, on a planté des haies, on a des ruches, et puis le prix du lait aussi, qui fait que on en a marre de galérer, de jamais être payé, donc on voudrait valoriser mieux notre lait. On travaille dur tous les jours depuis 20 ans, on n'a pas de vacances, on finit les fins de mois à zéro, on s'est dit, bon, on va pas durer toute notre vie comme ça, quoi. En fait, on y croit à fond au bio, on espère vraiment pouvoir enfin gagner notre vie de notre travail. C'est le dernier espoir, on va dire. Moi, je suis nostalgique qu'on revienne un peu dans le temps, quoi. Vivre du métier en n'ayant pas beaucoup d'hectares. Je trouve que c'est mieux. C'est pas parce qu'on a 300 hectares qu'on y arrive mieux financièrement, bien au contraire, souvent. Des fermes, oui, plus à échelle humaine. Voilà, des circuits courts aussi. Il y a un cochon qui est couché, puis un autre qui veut passer là où il ne faudrait pas, donc ils sont pas contents, ils le font savoir. Arnaud Chausset, 45 ans, et puis je suis exploitant agricole à Saint-Fulgent-des-Angles, voilà, à la ferme des Champs-Romais. Moi, je m'occupe des animaux et des cultures. Voilà. David va s'occuper plutôt des animaux, mais plus tard. Deuxième étape. David Boutier, 48 ans. Je m'occupe principalement de tout ce qui est la transformation et l'abattoir et la partie vente de notre ferme. Donc vous êtes associé? Oui. Ouais. Florence, ma sœur, la femme de David, est mon épouse. Nous sommes quatre associés dans cette structure. Avant d'en arriver à ce qu'on connaît actuellement avec différents ateliers, on a commencé vraiment avec le cochon et on a eu besoin d'étoffer notre gamme de produits pour répondre à la demande des clients. On a commencé la vente directe en 91 avec l'activité de transformation dans un petit labo qui faisait 136 mètres carrés avec une petite boutique de 12 mètres carrés. Je crois que mes parents et puis nous-mêmes, on a fait du portage dans les petites communes avoisinantes. On a dû porter une quinzaine de mille de prospectus et on a eu rapidement un succès assez important puisqu'on a commencé, je crois, avec 7 ports la première semaine, 13 la seconde et 23 la troisième. Ça nous a un peu bousculé aussi. Il a fallu qu'on trouve tout de suite du monde pour faire des charcutiers pour faire le travail. On s'attendait pas du tout à un succès si fulgurant. Ouais. Et puis, dans l'année à suivre, on a commencé à produire des volailles. Et puis le maraîchage aussi. Donc, je crois qu'on avait vu un petit peu grand début. Je crois qu'on avait planté 15 000 fraisiers. Un 60 arts, c'était monstrueux. On était débordés de fraises. Il y avait vraiment à l'époque, enfin, toujours, un engouement et on était jeunes et c'était nouveau pour nous et on était un petit peu stupéfaits de l'activité qu'on pouvait générer autour de notre ferme. C'était vraiment le tout début de la vente directe dans ces années 90. Donc, c'était porteur. On a eu la chance de tomber au bon moment et puis aussi de faire des produits de qualité, sans doute. Hein. Je veux dire, c'est comme en ça qu'on a été reconnu et qu'on a maintenu notre clientèle. On avait commencé le bœuf peu de temps après que j'ai connu ta sœur. Ah oui. On désossait, on épluchait notre bête, quoi, qu'on mettait en colis, et puis on les revendait le samedi pour les clients qui venaient en boutique. Donc mon grand-père faisait déjà de la blonde d'Aquitaine hein, quand il était boucher. Donc moi ensuite également j'ai fait boucher. J'ai travaillé dans des boucheries traditionnelles sur Paris, j'ai travaillé à Rungis. Moi j'avais les connaissances et donc c'est comme ça que ça s'est mis en place quoi. Voilà. En plus du porc qui était déjà effectivement en place et les volailles. Voilà. Et donc aujourd'hui, juste sur la ferme, sans parler donc de l'abattoir et de la boutique, combien de personnes travaillent vraiment ? Sur l'exploitation, on en est 4 personnes. Mais enfin, cela dit, il y a toujours une polyvalence chez nous, en fait. Il y a possibilité de trouver des gens à différents postes. Parce que vous avez aussi l'activité de culture, j'imagine. On a environ 110 hectares de culture et on y fait blé, orge et maïs. D'ailleurs, les cochons réclament, c'est l'heure de la soupe. On a ce qu'on appelle une fabrique d'aliments à la ferme. On fait nos produits. Ils sont contents de manger, je veux dire, mais dès qu'ils vont être soignés, ils vont s'arrêter. Ce sera le grand silence dans une demi-heure. Colza, soja, pour la dernière hiver. C'est la dernière année où ils sont encore au régime conventionnel. Là, on cultive ce qu'ils mangeront l'hiver prochain. Ils seront alimentés exclusivement avec des produits issus de notre exploitation. Mais là, comme c'est une période transitoire, on était encore avec du maïs dans l'assolement qu'il fallait faire consommer aux vaches. Donc cet hiver, ils sont dernière année à manger du maïs en silage, qui était produit en manière raisonnée, puisqu'il n'y a eu aucun traitement depuis la mise en terre jusqu'à aujourd'hui. Mais le maïs a l'inconvénient qu'il faut l'équilibrer en protéines. Donc on ramène du tourteau de colza et un peu de soja, parce que le soja est le seul aliment à faire 43,5% de protéines, alors qu'un tourteau de colza, ça fait 22 à 24% de protéines. Pour le bien-être des animaux, pour pouvoir digérer le maïs, il faut de la protéine qui, en fait, sert à nourrir les micro-organismes dans la panse qui vont dégrader l'amidon de la ration, c'est-à-dire le grain du maïs. Donc c'est inévitable, on est obligé d'équilibrer la ration. Et c'est très coûteux. Il est garanti sans OGM. Il a voyagé sur un voilier, j'imagine. Chez nous, ça représente par mois 2500 euros sur une paye de lait de 8000 euros. Donc on est à près de 30% de coût pour équilibrer la ration l'hiver. C'est ça qui pénalise nos revenus. Donc c'est pour ça que l'alimentation à base de maïs en silage n'a plus d'avenir avec un prix du lait tel qu'il est aujourd'hui. Donc il faut se remettre en question et on va repasser dans un système herbagé avec un peu d'amidon qu'on va cultiver sur l'exploitation. Plus d'achats extérieurs, une petite baisse de production, il ne faut pas se leurrer. Forcément, les vaches vont baisser en production. On va y gagner en qualité de lait, on va y gagner sur la santé des animaux puisqu'ils seront moins poussés intensivement. Donc ils vont être moins fragiles, moins sensibles au microbisme principalement. Donc on espère à terme gagner en efficacité économique, c'est certain. Après, efficacité technique, c'est à nous d'apprendre à maîtriser pour ne pas manquer de nourriture pour les animaux. C'est le principal inconvénient du passage en bio. C'est d'être sûr d'avoir des stocks suffisants pour passer l'hiver et d'avoir une période estivale relativement clémente pour avoir une bonne pousse d'herbe aussi tout au long du printemps et l'été, pour éviter d'affourager l'été et pénaliser les stocks hivernaux, quoi. L'été, je fonctionne en paddock, donc c'est des petits prés qui font entre 2 et 3 hectares, et où je mets les bêtes, donc tu exerces une forte pression de pâturage pendant une semaine, puis après tu changes. Sylvain. L'idée, c'est qu'il y ait toujours de la belle herbe, voilà, donc je les change. Mais là, j'ai tout ouvert, de toute façon, il n'y a plus d'herbe, c'est juste pour le fun, elles sortent, elles sont contentes. Mi-novembre, en général, c'est... Là, si elles vont chercher les glands, elles adorent ça. Elles vont sous les chaînes et puis. Mais là, ouais, pâture, elles se détendent. Puis je les rentre le soir. Ce qui est pas super d'ailleurs, parce qu'elles rentrent avec les pattes, avec de la boue, du coup, elles mettent de la boue sur la litière, du coup, faut que je paille. Mais je sais pas, ça me plaît de les voir dehors. Ouais. Moi, c'est pareil, je fais des luzernes, je fais du trèfle. C'est des trucs qui coûtent pas cher. Hein. Tu installes une luzerne pour 3-4 ans. C'est légumineuse, elle t'apporte du fourrage, elle t'apporte de la protéine dans ta ration et ça coûte rien. À part ta. Mais c'est même pas la semence, puisque la semence, je la fais. Je moissonne ma luzerne pour récupérer mes graines. Donc, ça ne te coûte rien. Et c'est extraordinaire. Une luzerne, ça te fait jusqu'à 10 tonnes de matière sèche par an. C'est colossal hein, aujourd'hui. Sur une plante qui est relativement équilibrée, hein, qui est un peu riche en protéines, mais qui est très simple à faire. Une fois que c'est semé, tu as juste à faucher ou à faire pâturer. Hein. Quand tu fais du maïs, c'est tous les ans. Il faut racheter de la semence, il faut mettre des produits phyto. Voilà. Moi, j'ai tendance à désintensifier. Enfin, désintensifier, il ne faut pas parler désintensifier, à réfléchir plus à mon projet, parce que finalement, les prairies, je les exploite entre guillemets, comme un champ. Je mets des bêtes à pâturer, après je laisse reposer 5-6 mètres, mes bêtes repassent dessus. Si je vois qu'il y a un peu de chardon, un peu d'herbe que les bêtes ne mangent pas, je la fauche pour favoriser la bonne herbe qui est mangée. Parce que la mauvaise herbe, si tu la fauches pas, bah, elle repousse tout le temps et elle gagne du terrain. Donc oui, j'ai une pratique plutôt pragmatique de la prairie, mais ça reste une prairie. Hein. Je m'appelle Rodolphe Bourgeot, je suis marié, j'ai 3 enfants. On est aux portes de Chartres. Je suis céréalier, colza, blé, orge, et j'exploite 180 hectares. Et en même temps, je suis plus réactif. Je travaille dans une coopérative, je m'occupe de tester des nouvelles variétés qui arrivent tous les ans, la partie rendement, les parties résistance aux maladies, après les critères boulangères pour réussir à faire du pain, tout ça. Sachant que mon père avait développé des gîtes ruraux, plus la salle où il y a des mariages qui sont organisés, on est plus parti du principe que ma femme allait m'aider sur l'exploitation, s'occuper de la partie tourisme. Elle s'occupe aussi, comme faisait ma mère, de la comptabilité et des enfants. Moi, les travaux que j'ai à faire, je peux les faire le week-end, le soir, quand elle, elle peut pas les faire. Elle fait énormément de choses. Elle a pas la partie technique, donc c'est moi qui fais la partie agronomie. Mais par contre, si j'ai besoin qu'elle fasse du tracteur, elle fait du tracteur. Je voulais aussi avoir des cultures que je puisse faire facilement et rapidement pour pouvoir continuer à faire ma pluriactivité. Et le fait de pas avoir notamment l'irrigation, je suis limité. Alors après, j'ai du blé améliorant, c'est du blé vraiment de très haute qualité, le rendement est plus faible, mais par contre on nous l'achète plus cher. L'administration nous a demandé de faire plusieurs cultures, donc j'ai été obligé d'inclure une autre culture d'orge dans ma rotation. Alors c'est pas forcément économiquement rentable. Ça n'a pas forcément d'intérêt, je trouve, agronomique ou écologique et tout ça, mais on est dans l'obligation d'avoir au moins 3 cultures sur l'exploitation. Donc j'ai rajouté une culture pour faire plaisir à l'administration. Ensuite, je fais également un petit peu de production de semences. Ça me permet de relier un petit peu mes deux activités. La ferme, c'est une entreprise. Dans un premier temps, ça doit gagner de l'argent. Quel est l'aspect de votre activité que vous aimez le plus ? C'est décider ce que je vais faire et comment je vais le faire. Et puis, le fait que tous les ans, je repars à zéro. Tous les ans, je vais pouvoir me relire, d'analyser, de regarder dans la documentation quelles sont les variétés qui, je pense, vont être le plus performantes sur mon exploitation, de choisir mon programme pour lutter contre les maladies. Je peux choisir des variétés qui sont un petit peu moins productives, mais par contre, je vais mettre 1-2 produits chimiques en moins. Je ne cherche pas à avoir le rendement maximum. Par contre, je cherche à avoir le bénéfice à l'hectare, la marge nette à l'hectare, la meilleure possible. Plus on est au plus juste, plus on prend un risque. Puisque, par exemple, sur une maladie, si je baisse un peu ma quantité de protection, je prends un risque parce que si il pleut beaucoup et donc il y a beaucoup de maladies, ma protection va être peut-être à peine assez suffisante. Et dans ces cas-là, j'ai pris une décision, mais qui n'est pas forcément la bonne. Et donc, c'est d'être capable d'ajuster, entre guillemets, au jour le jour, de ce que je vois par rapport à la météo, par rapport à tout ça, ce que je vais faire dans les champs. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, aller voir dans les champs, voir où ça en est, au niveau des stades des plantes, des maladies, pour ajuster le travail que je vais avoir à faire. On n'est pas une culture intensive. Ah nous, on n'est pas une culture, on n'est pas du bio. On n'est pas de l'intensif qui sert pour les halles et puis les grandes surfaces. Thierry. Parce qu'ils produisent différemment que nous. Moi, j'en connais des collègues. Nous, on est dans le durable, vous savez, ce qu'on appelle maintenant ou le traditionnel. Ouais. Et tous les légumes, il y a une rotation. Hein. Nous, vous voyez, on ne traite pas. Là. Ouais. On plante la salade sur paillage. On coupe. Sur plastique. Et dehors, on fait de la désinfection à la vapeur. On chauffe le sol à la vapeur d'eau. Et ça fait pour le désherbage, les insectes et les maladies. Et avec l'amélioration des variétés résistantes à certaines maladies, on est arrivé à un point où que les salades il y a 10 ans, ils étaient moins saines que maintenant. Parce qu'on a notre machine à désinfecter la vapeur. Patricia. On injecte de la vapeur d'eau sur une hauteur de 10 cm, on chauffe à 90 degrés, ça fait germer l'herbe, ça détruit tout ce qu'il y a dedans. Et pendant 5-6 mois, vous pouvez planter ou semer derrière, il n'y a pas d'herbe. Et comme ça chauffe 8-10 cm, le ver de terre il n'est jamais à 8-10 cm. Donc, moi, j'ai à dire que ça ne pas détruire beaucoup de vie microbienne. Mais ça accélère la décomposition de la matière organique. Alors, ce qu'il faut pour maintenir notre taux de matière organique, on met toujours beaucoup de fumier. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de bêtes, parce que dans le maraîchage, il faut beaucoup de fumier. Parce que les légumes, ils ont des petits enracinements, hein, c'est pas très profond. Alors il faut que la première couche qui est cultivée, qu'elle soit riche. Qu'est-ce qu'est un bon légume? Ben, c'est cette méthode de culture et non le contraire, où qu'on va réduire le cycle de végétation parce que on veut que ça aille vite. Et quand c'est comme ça, ben, le produit n'acquiert pas toute sa qualité. La terre, oui, elle a, ça donne quelque chose en plus parce que ça donne un goût de terroir. Hein, si vous mettez une carotte dans des sables comme nous on fait, ben, elle est douce, elle est tendre, quand on est dans une grosse terre, ben, elle n'a pas la saveur douce, elle est plus dure un petit peu parce qu'elle a fatigué dans la grosse terre. C'est pas ce qu'elle recherche, elle veut des terres profondes et souples. C'est quand on cherche le rendement qu'on développe les maladies. Et puis après, quand vous vendez, ceux qui vendent en grande surface, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir de la salade avec bordée. Non, parce qu'avec les cahiers des charges, on leur demande un certain grammage. C'est ça le problème. Oui. Alors pour y arriver, ben, ils mettent un maximum d'azote. Mais comme ils ont fragilisé la plante, il faut protéger pour la maladie derrière. Parce que quand vous vous forcez en azote, vous développez les maladies. Ça, obligatoirement. Hein. Ouais. Moi, je ne veux pas cette méthode-là. Quand on faisait du gros, le poireau devait pas être taché, il fallait qu'il soit toujours vert, il fallait pas aucune tache. Donc, qu'est-ce que Thierry faisait? On traite, on apporte des choses dessus. Non, je ne vais même pas traiter cette année. Non. C'est pas la même chose quand on vend en détail. Le produit est moins beau, on le fait comprendre au client. Il faut qu'il achète le légume comme il a poussé dans l'année, puis c'est tout. Et on mange pas la présentation. En ce moment, j'ai des gros navets, mais c'est pas parce qu'ils sont pleins d'engrais. Parce que la réflexion des gens, c'est que... Ils me disent, ils ont été dopés. Voilà. Mais j'ai dit non, il y a une mauvaise levée. J'ai dit, c'est un problème de densité. Oui, j'ai dit, si on veut un navet comme ça, il faut semer tous les 5 cm à peu près chaque graine. Mais comme ils l'ont levé à peu près tous les 10 ou 15 cm, ça fait des bombes. De toute façon, on sait qu'on n'est pas des bio. On sait qu'il faut quand même des choses pour nourrir le légume. Mais on est surveillé derrière. On a des contrôles. Des contrôles. Hein. Puis bon, on sait que c'est pas bon, on sait que ça coûte, non, ça coûte cher. Pas bon, intérêt. Non. Tout le désherbage, vous pouvez le faire à la machine? Pas tous. On ne fait pas tous les légumes. Ceux qui sont rentables au mètre carré. Les épinards, la mâche, les radis, toutes les salades. Tous les légumes, j'appelle ça les légumes de grande culture, les patates, les choux, on désherbe. Après, on fait beaucoup de paillage. Les courgettes, on les met toutes sur paillage. Les melons, les potirons, tout sur paillage. Ouais, les blettes, les courgettes, les melons qu'on en fait, les potirons, que du paillage. Ouais. Et est-ce que sur cette partie-là, vous avez l'appui justement de technologies dont on entend parler, des cartographies reliées aux satellites qui vous permettent de localiser comme ça les zones à traiter, celles sur lesquelles vous pouvez faire des impasses, enfin pour optimiser aussi un peu tout ça? C'est du matériel qui est extrêmement coûteux. Par contre, en fait, c'est les coopératives, c'est les chambres d'agriculture qui vont nous faire une prestation à l'hectare. C'est comme, on peut repasser soi-même sa chemise chez soi ou alors la mettre au pressing. C'est une question de coût. Soit on le fait soi-même ou soit on le fait faire. Sur la fertilisation, sur l'azote qu'on mettait dans le champ, du temps de mon père, c'est pas si loin que ça parce que c'était il y a 5 ans, un agriculteur était relativement libre de ce qu'il voulait mettre dans les champs. Parce que la quantité d'azote, c'est proportionnel au rendement qu'on va faire. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. La réglementation environnementale fait qu'on ne peut plus choisir la quantité qu'on met. Si je trouve que j'ai pas mis assez d'engrais pour être à l'optimum économique, j'ai pas dit l'optimum de rendement, mais l'optimum économique, je sais, moi, qu'il faut que je mette un peu plus de fertilisant, il faut que je puisse le prouver. On peut obtenir les dérogations, mais il faut les justifier. C'est un peu ça, c'est un peu une dérogation, c'est-à-dire qu'on va déterminer la quantité d'azote qu'on va mettre. En se fixant, on va dire qu'en moyenne, on va faire 9 tonnes hectares en blé à peu près. Mais si on pense qu'on va faire plus, il faut pouvoir prouver qu'on va faire plus ou que la plante a besoin de plus. Donc pour ça, on a effectivement pas mal de technologies qui nous permettent, alors soit par drone, soit par satellite, ou soit on a des pinces qui permettent on pince les feuilles pour déterminer les besoins réels de la plante. Ils vont me donner un papier en me disant, les plantes, elles sont carencées ou elles sont pas carencées, donc en fonction, ils me redonnent une préconisation. Ça, c'est des pratiques que vous avez déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Au niveau GPS, je me suis équipé il y a 2 ans au niveau de la pulvérisation, puisque ça me permet de pas faire de doublure. C'est-à-dire que quand on traite, c'est pas toujours évident de couper, parce qu'on a des pulvérisateurs qui sont relativement grands maintenant, 24, 36 mètres, voire plus, et de couper ça bien. Donc maintenant, quand j'arrive au bout du champ, le GPS va lui-même couper les parties de rampe pour pas qu'on mette 2 fois la dose au même endroit. Je siffle, c'est pour les appeler. Hein. Viens mon pépère, viens! Donc là ils font petits, mais tu vois quand ils arrivent, les plus gros font 800 kilos là. Donc le plus grand c'est Hilaire, il a 3 ans et demi. C'est marrant, ils viennent pas parce que vous êtes là. Viens mes mères, viens, viens! Allez, viens, ma loulou. Voilà, tu vois, de dos, regarde, c'est impressionnant. Hein. L'Angus, ça donne des formes, quoi. Surtout que la mère de Hilaire, c'est une Normande croisée Limousin. Quand vous avez tout vendu, les fromages, il y a une période, du coup, où vous avez plus rien à la vente. Et vous... si, la viande. D'accord, oui, ce que j'étais, il y a un moment, il y a quand même une baisse de revenus. Oui, bah forcément, là, déjà, on n'a plus que la tome, alors qu'on a d'habitude fait yaourt, fromage frais, etc. Mais on a un petit peu de trésorerie d'avance pour tenir. Finalement, il y a 3 mois où il n'y a plus de transformation, hein, parce qu'on reprend fin février. Hein. Les agnelages ont lieu à partir du 10-12 janvier, les premiers. Et puis on laisse donc 3 semaines les agneaux avec les mères. Après, on les retire le matin, les agneaux. Donc on donne à manger aux mères, on pousse les agneaux avec les chiens, ça marche très bien. On les met dans un petit parc. On sort les mères au pré, sur la petite herbe de printemps. Donc ça, c'est plus début mars. Et on traie le soir et on remet les agneaux après. Et quand ils ont entre 6 et 8 semaines, autour de 15 kilos, vifs, dans beaucoup d'élevages, ils les séparent à 3 semaines, hein, 3-4 semaines. Et moi, comme je le valorise à 100%, c'est-à-dire que mes agneaux, soit ils sont des futures mères, soit ils partent en caissette, j'ai intérêt d'avoir des beaux agneaux. Donc, le peu de lait que je vais perdre, en laissant finalement une traite à l'agneau, je le retrouve sur mes carcasses d'agneaux et sur le poids de mes agneaux. Pareil, il a fallu créer la filière d'agneaux de lait, hein, parce qu'ici, c'était pas très courant. Mais c'est vrai que c'est un goût extraordinaire. Tu sens que je culpabilise à l'idée de tuer des agneaux ? Non. Non, c'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est le truc le plus dur, d'emmener les agneaux. Après, je sais que c'est un petit abattoir familial, qu'ils vont... Ils vont pas souffrir, mais bon, ça me dérange pas d'en manger, j'aime bien. Mais... Lis les clients d'ailleurs. Voilà. Mais je vais le tourner. Non, mais super, c'est bien. Il est du côté du Mail-sur-Sarthe. Et il nous apporte ses animaux pour qu'on lui abatte. Donc voilà, il amène là 4 agneaux et puis une brebis. On va lui abattre demain et puis il viendra les récupérer jeudi matin. Donc voilà à quoi sert notre abattoir aussi. Pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres petits producteurs autour de chez nous et voilà, qui ça rend service aussi. Ouais. Donc on a un agrément Écocert. Donc ça permet justement de pouvoir abattre aussi les animaux bio, de production bio, quoi. Il y en a beaucoup qui viennent... Eh bien, oui, il y en a peut-être à peu près 10 sur environ 50-60 km. Et pour d'autres, en région parisienne, qui viennent abattre jusqu'ici, parce qu'ils ont des animaux quelquefois un petit peu hors normes, des cochons très très lourds qui ne vont plus dans des abattoirs type industriels. Voilà, donc ils les font abattre chez nous. C'est bon, tout le monde est descendu, Yannick ? Oui. Tout le monde est descendu. C'est l'heure des adieux. Il va les revoir, mais ouais, voilà, pas tout à fait de la même façon. Donc tu fais du bœuf et puis tu fais de l'agneau, c'est ça, hein, Yannick ? De l'agneau. Et tu fais du pain aussi. Oui, mon associé qui fait du pain au levain, puis au four à bois. Tout est fait à la main, il n'y a pas de mécanisation. Avec le blé qu'on récolte, qu'on fait moudre chez un meunier qui est à 5 km de la ferme. Et vous, l'essentiel, c'est les brebis ? L'essentiel, non, c'est un tout. C'est polyculture élevage. On fait nos cultures, nos fourrages. Et puis, donc moi, j'étais boucher. Donc, ce qu'on élève sur la ferme, je le vends en direct. Ça devient vraiment compliqué d'abattre des animaux localement, parce que les normes sont tellement draconiennes qu'il n'y a plus que des grosses structures industrielles. Avant, il y avait les abattoirs communaux avec des bouchers plus anciens. Ils allaient faire abattre leurs bêtes. Ils participaient à l'abattage. L'abattoir communal avait 1 ou 2 employés, mais chacun faisait son abattage, ce qui rend responsable aussi en même temps. On sait ce qu'on fait jusqu'au bout, parce que l'abattage, c'est vrai que c'est le plus difficile comme ça, psychologiquement, ça nous travaille. Mais voilà, d'y participer, au moins, on rentre dans le vif du sujet. Et en même temps, ça donne encore un plus de valeur aussi à son métier, je pense. Voilà. Et là, on a un petit abattoir de proximité, et vraiment, ça, c'est royal. Merci, Yannick. Non, mais on avait arrivé à emmener les moutons à Nogent, le retrou. Il chargeait en semi, il les emmenait à 200 km. Et me les relivrer en carcasse, ça faisait 500 km pour une tuerie d'agneaux. On sait que le transport, à la limite, c'est presque ça le plus stressant pour les animaux. Hein. Puis une petite structure, on sait, là avec David, moi je suis assez, c'est lui qui fait le boulot. Des petites structures, on est plus consensueux. C'est dur de pouvoir partir. Non, mais c'est sûr. Hein, ils en ont pas beaucoup, donc ils les connaissent, ils s'y attachent, quoi, forcément. Donc. Elles aiment bien qu'ils partent dans de bonnes conditions, quoi, forcément. Voilà. Donc on a créé l'abattoir en 2010. C'est effectivement le maillon qui nous manquait pour pouvoir maîtriser toute la filière. Donc ici, on est dans la salle de découpe où habituellement se trouvent Nicolas, Steven, Mathias, Aurélien. Voilà, on est assez nombreux. Donc c'est nos bouchers, nos charcutiers et Philippe aussi. Et c'est là qu'on découpe nos carcasses et qu'on fait nos préparations de charcuterie et de viande pour la fin de semaine, c'est-à-dire pour les marchés, pour notre vente ici en boutique, pour quelques cantines scolaires, et puis chez quelques revendeurs aussi sur Paris et région parisienne. Et alors, une fois que tous les produits sont rangés dans leur chambre froide, prêts à partir, nous arrivons dans la boutique, à la ferme. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, le fait de travailler en famille, d'avoir une ferme qui gère aussi toute une chaîne, est-ce que ça va au-delà d'un métier ? Est-ce que c'est presque plus un mode de vie qu'un simple emploi ? Oui, on y est 7 jours sur 7. On vit ici tout le temps. Donc on se côtoie tous les jours, on se rencontre, on vit ensemble. Heureusement, on a la chance le week-end de rencontrer nos clients pour... justement changer d'horizon, changer un peu d'horizon, quoi, mais voilà, quoi, on est vraiment ouais tout à fait on est dans un circuit court, mais également pour nous, ça nous sort de notre campagne. Ouais, ça nous sort. Moi, j'ai toujours été sur le marché avec mon père. On avait notre sortie, on n'a pas pensé à la sortie du dimanche, mais je veux dire, on a vu du contact, on a vu des gens, on a vu l'extérieur, on voit la vie qu'ont les gens par rapport à nous. Puis il y a des moments où il y a des marchés, ça va se passer impeccable. Puis dans la matinée, on se dit, oh, deux, trois qui sont un petit peu... Et entre collègues, après, souvent, on se dit, le marché, ce matin, ils n'étaient pas faciles, les clients. Et en général, c'est partout. Mais on a plein d'anecdotes, nous, après, à raconter. C'est que le soir, avec nos enfants, souvent, on raconte ce qui s'est passé. Et on en rigole. Sur un marché, on entend tout. Ouais, sans être curieux, hein, je ne suis pas curieux de nature. Ça fait quand même, nous, 23 ans qu'on tourne sur certains marchés, et c'est vrai, il y a des gens qui se confient. Enfin, moi, j'ai vu des femmes enceintes, maintenant, je vois leurs enfants réciproques, parce que moi, elles m'ont vu enceinte, et maintenant, elles me demandent comment vont mes filles. Et moi, c'est pareil, je leur demande comment vont les leurs, et maintenant, on les voit avec leurs petits-enfants. C'est vrai que ça fait quand même bizarre, on a l'impression qu'il s'est passé un temps énorme. Ça crée un lien, et c'est ça qui est agréable dans le métier. Enfin, on a fait partie aussi de leur vie. Les gens viennent toutes les semaines. On est appréciés d'eux. Je veux dire, ça nous aide dans notre dureté de métier un petit peu. On se dit, bah oui, il faut qu'on rende la balle, il faut qu'on produise un beau produit. En fin de compte, de faire plaisir aux gens en leur proposant des choses qu'on a fait nous-mêmes, parce qu'on les a quand même faites nous-mêmes. Puis chacun est à son poste, hein, parce que... Parce que la vie des marchés, c'est vous installez votre banc, après il y a la pause café. On se dit des blagues aussi, avant que les clients arrivent, le marché est toujours sympa. Par contre, quand les gens arrivent, c'est fini. Hein. On est chacun à notre poste, on bosse, chacun fait son business et puis c'est chacun tout. Chacun fait son commerce, puis ça y est... Il n'appelle pas à tout le monde, heureusement, parce que les collègues vont répondre. Les paysans ne se sont pas appropriés leurs débouchés, c'est le seul truc. Ils sont toujours dans une course en avant, ça ne marche pas, on va reprendre des vaches, on va reprendre des terres, on va encore s'endetter, etc. Alors qu'au moment, il faut juste à dire, qu'est-ce que je change dans mon système ? Des fois, tu as des ateliers qui te coûtent plus cher, qui te rapportent. Alors, il y a eu les coopératives agricoles qui étaient très bien, et qui finalement se sont privatisées, qui aujourd'hui sont dans des logiques capitalistes, où c'est le profit. Et il faut juste que le paysan se réapproprie son produit final, c'est tout. Mais c'est déjà des gens qui sont au bord du gouffre, parce qu'ils s'endettaient avec un robot de traite, avec une stabulation de compétition. Donc tu fais des échéanciers sur 15 ans, mais quand ton prix du lait il est passé de 330 euros à 250 bientôt, tu rembourses pas ta banque, et puis après c'est des dépressions, des suicides, etc. C'est terrible. Mais les gens se rendent pas compte, mais il y a énormément de suicides. Annabelle Potel. Et pas forcément des vieux gars tout seuls quand ils rentrent le soir. Hein. Surtout, c'est les problèmes financiers. Ils osent pas le dire et ils finissent par se pendre. C'est vrai qu'Olivier avait une cousine qui s'est suicidée au mois d'octobre. C'est vrai que c'est pas facile toute seule sur la ferme. Mais c'est plus qu'on pense et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Il y a un engrenage, il n'ose pas en parler, la honte aussi vis-à-vis du voisin, vis-à-vis peut-être des parents, de ne pas réussir et puis pas trouver d'issue. Mais bon, j'espère pas en arriver là. Comme cette année où les rendements sont pas du tout au rendez-vous, c'est vrai qu'on est déçus. En blé, je vais faire entre 50 et 55 quintaux. Alors que ma moyenne sur mes autres années était de 90 quintaux. Rodolphe Bourgeot. On avait jusqu'à mi-mai une plaine et des champs extraordinaires. C'était magnifique. On pensait battre tous les records au niveau rendement. Et la pluie et le froid qu'on a eu de mi-mai jusqu'à mi-juin à peu près, ça a duré un mois, c'est une période où les plantes sont en pleine floraison. Pendant un mois quasiment, il n'y a pas eu de soleil, il y a eu des nuages tout le temps, ce qui fait que pas d'énergie, froid. Et donc les grains se sont pas formés dans la plante. Et les quelques grains qui se sont formés ont été mangés par des maladies à cause de l'humidité qu'il y a eu à ce moment-là. On est la zone où on a été le plus touché, ce qui fait qu'on est quasiment divisé par deux les rendements. Le prix du blé en ce moment est pas extraordinaire. En plus, ça va baisser parce qu'on va avoir des réfractions, parce que la qualité de notre blé est faible. Donc dans ces cas-là, les marchés, notamment les marchés Afrique du Nord, ne veulent pas de nos blés. Donc dans ces cas-là, on vend notre blé encore moins cher que le prix mondial. Bon, moi, je fais pas de blé dur, heureusement, cette année. Des gens qui avaient l'habitude de faire 85 quintaux en blé dur, certains ont même pas récolté, ils ont passé le broyeur. Parce que le coût de mettre la moissonneuse batteuse dans le champ, avec la main d'œuvre, le fioul, tout ça, ils ont testé, ils faisaient entre 5 et 10 quintaux. En moyenne, dans la région, je crois qu'en blé dur, la moyenne doit être aux alentours de 20 quintaux. J'en ai discuté avec mon père, qui m'a dit, c'est jamais arrivé en blé dur des rendements aussi faibles. Quand je me suis installé, je vendais mon blé 250 euros la tonne. Et grosso modo, on avait un potentiel entre 80 et 90 quintaux par hectare. C'était extraordinaire. Ça a baissé au fur et à mesure. Et là, cette année, on va perdre beaucoup d'argent. Donc j'en ai gagné beaucoup, j'ai envie de dire, quand je me suis installé. Et là, je vais en perdre énormément. Donc il va falloir, grosso modo, que je retourne voir les banques pour refaire ma trésorerie. Je repars à zéro. On peut se ramasser parce que derrière c'est de la main d'œuvre, etc. De toute façon, les 5 premières années, moi, tu vois, je vais parler plutôt des 8 premières années, c'est très très compliqué financièrement, c'est des sacrifices, etc. On en rencontre des conventionnels qui souffrent. Ouais, aussi, là, en ce moment. Je pense qu'ils souffrent beaucoup plus que les bio parce que finalement, en bio, tu dépends peu des banques. Sylvain. Aujourd'hui, les conventionnels, la semence qu'ils mettent dans le sol et tous les produits phytosanitaires qui vont faire pousser la plante sont payés avec la récolte. Alors l'année dernière la récolte n'était pas super, cette année elle est catastrophique, les paysans ont perdu entre 3 et 500 euros de l'hectare, donc ça c'est sur la trésorerie quand on n'a pas, c'est très dur. Nous on a fait une très mauvaise année aussi, on a divisé la récolte par deux, ça va, on passe de 40 quintaux à 20 quintaux, sachant qu'on le valorise deux voire trois fois le prix en conventionnel, mais il nous a pas coûté, à part un semis, un petit désherbage mécanique, mais oui, j'ai des copains en bio qui galèrent. Particulièrement chez les bio, il y a une sorte de solidarité sur une production qui était marginale, qui aujourd'hui dans le Perche est assez importante. Hein. Enfin, nous, on a la chance d'avoir un sacré réseau d'entraide, et on est plus des copains que des collègues. Et du coup, bon, ça crée une dynamique où s'il y a besoin d'un coup de main, on y va. On a monté un groupe, une CUMA, donc une coopérative d'utilisation du matériel agricole, pour pareil acheter un tracteur, une Formule 1, mais que tout seul ça sert à rien d'avoir, et tu l'achètes à 4 ou à 5, et là c'est très intéressant. Je pense que s'il y avait plus de projets en commun, le milieu agricole, ça se porte très mieux. Mais ça veut dire se mettre autour de la table avec les paysans, et ça c'est compliqué aussi, parce que la plupart des paysans attendent que le paysan crève d'à côté pour lui piquer ses terres, et voilà. Enfin, je m'évade un peu, mais c'est tellement un truc qui me tient à cœur que... Les résultats économiques des éleveurs bio sont impressionnants. Olivier Potel. J'ai un collègue aujourd'hui qui a une structure sensiblement pareille à la mienne. Nous, on a 66 hectares, lui, il en a 70. Aujourd'hui, on fait, nous, 60 000 euros d'excédent brut d'exploitation avant charges sociales, remboursement et prélèvement privé de l'exploitant. Et lui, il fait aujourd'hui 140 000 euros avec le même nombre de vaches. Toutes les études que j'ai faites pour le passage en bio, c'est-à-dire avec le GRAB, mais aussi avec mon conseiller de gestion, puisque je voulais me couvrir, je voulais me protéger, donc on a fait une simulation. L'excédent brut d'exploitation va doubler, notamment par l'économie de 50 000 euros de charges chez moi. Donc il y a une hausse un peu du chiffre d'affaires, mais surtout une baisse de charges. Tous mes collègues bio que je suis allé visiter, qui sont passés en bio depuis peu d'ailleurs, hein. Antoine il est passé bio en 2014, il a embauché là, un plein temps. Plutôt que d'investir dans du matériel, il préfère la plupart investir dans du personnel pour accéder à une qualité de vie qu'il n'avait pas avant. Aujourd'hui, un ouvrier, ça coûte cher. Et un bon, il faut déjà le trouver en plus. Mais quand on en a un, eh ben, il faut bien le payer pour le garder. Et après, vous allez avoir une qualité de vie sans égale. Nous, on ne connaît pas ça. Hein. Ça fait 20 ans qu'on travaille 7 jours sur 7. Bosser 7 jours par semaine à deux pour 1300 euros par mois, c'est compliqué. Mais on espère un avenir meilleur et avoir une deuxième période de notre carrière professionnelle avec une meilleure qualité de vie, notamment pour les enfants, et pouvoir leur permettre de s'ouvrir aussi sur le monde, ailleurs, aller visiter, aller voir des gens et d'autres façons de vivre. L'an prochain, on aimerait modifier la structuration de notre atelier maraîchage et on va replanter des arbres, des hautes tiges, des basses tiges. Il faut qu'on redonne un nouveau souffle à cette activité-là. On s'intéresse tout de suite à la permaculture, faire de la culture sous arbre. On est prêt pour ça. Arnaud Chausset. Oui, papa a pris des renseignements, est allé faire des visites. Moi, je suis en train de compiler le dossier, de voir tout ça. Et puis après, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Il faut planter, on est en train de s'y mettre. Dans la mesure où vous avez la vente de vos produits, une boutique qui fonctionne, en fait, vous pouvez faire tout dans le bon sens. Là, on va faire des cochons sur paille, avec des grands espaces, un bâtiment qui répond aux normes bio, en quelque sorte, 2,5 m² par cochon en litière accumulée, avec une petite courette. Ça ne va pas nous rapporter d'argent du tout, c'est simplement parce qu'on veut faire les choses bien. Pour le bien-être animal et du coup, oui, ils sont pas malheureux là où ils sont actuellement, mais ce n'est pas ce que j'attends. J'attends autre chose. C'est une cohérence globale. Faire une conversion puis pas avoir un collecteur pour valoriser mon lait au prix fort, j'avais pas intérêt à passer en bio. Alors j'ai contacté le GRAB, le groupement régional d'agriculture biologique de Haute-Normandie. Le conseiller Joseph me dit il y a une coopérative qui s'appelle Biolay. Cette coopérative est née de 6 producteurs qui, ne pouvant écouler leur production il y a un peu plus de 20 ans, ont décidé d'acheter un camion et se sont mis à collecter leur propre lait bio et à le vendre directement à des industriels. Aujourd'hui, ils collectent du lait partout en France, donc on mutualise les coûts de ramassage. Bien sûr, ils dérangent, parce que les grands groupes laitiers sont obligés de venir frapper à la porte de Biolay pour se fournir en lait. C'est la vraie coopérative comme nos parents les connaissaient après-guerre, c'est-à-dire que la coopérative ne tire aucun bénéfice en fin d'année. Tout est reversé au prorata du nombre de litres de lait produit par chaque producteur. En assemblée générale, tous les chiffres sont donnés aux producteurs. C'est rêvé. C'est une situation rêvée où le producteur est sûr de ne pas être dupé et d'être rémunéré pour son travail. Bon, allez, café. Vas-y, entre. Vous n'avez pas ça, les chiens, ils ont... Non, entrez. Vous allez enlever les bottes à terre si vous voulez, mais vous pouvez rentrer les bottes, les chiens, ils déchaussent pas. C'est bon. Ah bah oui, chez nous, c'est mon sport d'hiver, je fais du bois. J'ai une dernière question, c'est quelle est votre saison préférée et pourquoi ? Tout sauf l'été. J'adore le printemps quand la nature revit. J'aime bien l'automne et j'adore l'hiver aussi. Sauf pour travailler. J'aime pas l'hiver pour travailler. Je préfère l'été pour travailler. Début de l'automne, si on peut appeler ça comme ça. Parce que c'est là que j'ai le moins de travail et physiquement, c'est là que je commence à me reposer pour me tenir bien en forme l'année d'après. L'hiver, c'est les moments calmes. Il fait nuit à 5 heures. On peut rentrer un peu plus tôt. Les journées sont plus courtes. On profite plus de la maison. Et moi, j'ai le temps de faire ce que je n'ai pas le temps de faire en été. Au printemps, je le fais en hiver. Eh bien, contrairement à mon père, moi, ce que je préfère, c'est la récolte. Parce que souvent, il fait beau déjà. C'est l'attente de tout ce que j'ai fait et c'est un peu la note. Et puis, c'est le moment où il y a du monde un peu dans la ferme. C'est le moment que je préfère. Moi, j'aime bien quand la végétation repart au printemps. Et au terme de boulot, toutes les saisons vont bien. La période dure, c'est les agnolages quand même. À 3 semaines, 1 mois, entre le 15 janvier et fin février, c'est sport, niveau boulot. J'aime autant les saisons où il fait jour un peu plus longtemps. Mais sinon, le printemps, quand on sort les animaux à l'herbe, c'est aussi toujours une satisfaction. On repart sur une nouvelle saison, et puis l'automne, c'est pas mal non plus. Et on repart sur une nouvelle campagne de semis de blé. Et si les choses se passent bien, et qu'on est à jour dans notre travail, y a de quoi être satisfait. On peut apprécier à ce moment-là le travail accompli. Le printemps, moi je trouve ça superbe d'aller regarder les arbres un petit peu et voir tout ça bourgeonner et puis on sent que là, ça revit quoi, ça a naissance là et l'été c'est vrai que c'est quand même plus agréable et en même temps quand il y a de la neige, l'automne aussi, enfin j'aime tout moi. Ouais. Merci à Sylvain, Rodolphe Bourgeot, Arnaud Chausset et David Boutier, Patricia et Thierry.